Il ne faut pas faire de faux pas. Swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Deuxième citation. On cerne les gens si facilement à force de les rencontrer. Eh bien, j'espère. Ils deviennent très risibles. Aujourd'hui, le lundi 22 mai 2023, monte le volume et hume la différence. Car c'est parti, mes amis. Mes amis. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! La vie est faite d'escaliers de toutes sortes, pour aller de cave en grenier, de porte en porte. Et qu'ils soient droits, qu'ils soient tordus, on les affronte. Quand on les a bien descendus, on les remonte. On sait bien que les escaliers font le cœur battre, comme ceux qu'on grimpe à la volée, et quatre à quatre. Ainsi nos amours de bohème de quelques heures s'abritent toutes au sixième, sans ascenseur. Pourtant on retourne au premier se mettre en ménage, il y a toujours un escalier pour chaque étage. De haut en bas, de bas en haut, conduisent à l'échafaud, ou vers les sommets des podiums, tous les escaliers mènent à Rome. La vie est faite d'escaliers ou vagabondes, et se croisent sur les paliers un peu tout le monde. C'est une salle des pas perdus, c'est une auberge, et le royaume bien entendu de la concierge. Y a ceux qui prennent tout leur temps, ceux qui dévalent, ceux qu'on dépasse en sifflotant et ceux qui râlent. Saluons-les quoi qu'on éprouve pour ces braves gens, il se pourrait qu'on les retrouve en descendant. Parfois il faut se faire aider pour les bagages, il y a toujours un escalier que l'on partage. De haut en bas, de bas en haut, et quel que soit notre fardeau, qu'on traîne, qu'on fonce ou qu'on slalome, tous les escaliers mènent à Rome. La vie est faite d'escaliers rudes et raides, vermoulus grinçant sous nos pieds, parfois ils cèdent. On croit s'élever d'un pas sûr comme on s'envole, à cause d'un rien sous la chaussure, on dégringole. Sentier longeant des précipices où l'on va seul, c'est dans l'escalier de ces vices qu'on se casse la gueule. Chute sans fin, c'est le destin dans un grand cri qui nous attend lorsque s'éteint la minuterie. Serpent de fer, monstre d'acier, tenus en cage, il y a toujours un escalier prêt au carnage. De haut en bas, de bas en haut, comme la bobine d'un yo-yo, pour les girouettes que nous sommes, tous les escaliers mènent à Rome. La vie est faite d'escaliers, et puis après, est-ce que tout ça va continuer à tout jamais? Quand il faudra au jour dernier que je décampe, que de mon ultime escalier je lâche la rampe. Est-ce qu'il y aura dans l'au-delà un patriarche si bienveillant qu'il m'attendra en haut des marches? Est-ce que Satan dans ses bas-fonds attisera le feu tout en bas d'un colimaçon vertigineux? Mais non, je crois plus volontiers qu'au sarcophage, il n'y aura pas d'escalier et pas d'étage. De haut en bas, de bas en haut, jusqu'au néant, jusqu'au tombeau, jusqu'à l'arrêt du métronome, les escaliers mènent à Rome. J'aurais encore des choses à dire sur le sujet, mais de tous mes défauts, le pire, c'est que je n'ai jamais, sur le moment, la répartie, la bonne idée. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit de l'escalier. C'est le nouvel opus de Madame Juliette que j'adore. Là, ma voix, je l'adore un peu moins. Alors, je vais travailler un peu là-dessus si ça ne vous dérange pas. OK, parfait. Est-ce Nasillard? Nasillard, Nasio, petit clapot, petite voix. Ouais, c'est comme ça, hein? C'est comme ça. Oui, OK. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, souvent, j'improvise des chansons pour mon petit banjo. Yorkshire, quoi, c'est caniche. Le Japon en série que vous connaissez. Et puis, on dirait qu'il y en aura le bol, lui, là, comme certaines personnes aussi, de m'entendre improviser quelques mélopées qui, selon moi, l'intéressent. Mais si, quand je l'examine, quand je le regarde, j'ai bien peur que je ne sois pas à la hauteur de ses attentes. Puis même, au bout du compte, je viens me demander, a-t-il vraiment des attentes envers moi, hormis lui donner de l'eau, de la nourriture et de l'amour? Très chers amis, posez-nous la question. Posez-vous la question et posez-moi-la. Si tu m'apposes, m'a tenté d'y réfléchir. Tenté. Tant et autre jour, j'étais devant mon écran, pas très catholique, à me demander que se passe-t-il dans ma vie. Les années passent. Le temps aussi. Les gens autour de moi me quittent un par un, non pas par manque d'amitié ou d'amour, non, ils trépassent pour le grand voyage. De ce grand voyage-là, on se demande tout le temps, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait revenir ici sur Terre? Bon, selon, vous savez qu'il y a des savants, entre guillemets, savants. Ça va pas très... Ça va... Non, ça va pas beaucoup, ça. Ah non. Le nez dans les livres, là. Hein, des diplômes universitaires, hein, des bacs, des... bac bleu, bac vert, des maîtrises, mémoires. Moi, j'en ai plus de mémoire. J'en ai combien, hein, dans ma vie, combien j'ai fait de mémoire? Je m'en souviens plus. On s'en demande trop. Quoique, pour certains, on voudrait qu'ils nous arrêtent un peu. Parce que, tu sais, on est comme on est. Ça, tu fais ça, cette phrase-là, on est comme on est. J'espère qu'on est comme on est. Si on ne serait pas comme on est là, je veux dire, si tu es le résultat de ce que tu veux bien être, très cher ami. Il y en a plusieurs qui ne veulent pas réfléchir à ça. Ils se prennent pour des fanfarons, des fanfaronnes. On divertit le public, on divertit la planète. Et nous tentons. On va tenter pendant 2 heures. Quoique la première heure, on est plus dans... On rame. On rame, mais d'une manière tellement facile parce que le vent... nous pousse vers des sentiers, quelquefois goudronnés, un peu que, comme les... Non, je le dirais pas, parce que... Non, je me réserve ça de poireau en hauteur. On peut pas vous dévoiler, madame. On peut pas tout vous dévoiler. Il faut garder des mystères. J'ai rien compris depuis le début d'émission. C'est quoi cette affaire-là? Ah, ben voilà. Juste mettre un point là-dessus. Là, on vient de soulager 99% de notre auditoire, c'est-à-dire 250 000 personnes. Parce qu'il y a 250 000 personnes qui nous écoutent ce soir à CKRL, le 89.1 à Québec, à cette heure si sublime, minuit 10 et quelques garnottes. quoique la garnotte est importante, hein, dans tout. Quand vous faites des recettes, je ne sais pas si vous êtes du genre à suivre à la lettre. Tu sais, c'est écrit 2 cuillères à soupe. Tu vas en mettre juste 2 cuillères à soupe, pas 2 cuillères et demie. Parce que t'aimes l'exemple du sel d'ail, tu dis, bon, ils me disent 1 cuillère, moi j'adore ça, mais en mettre 2. Non, non, il y en a, là. Écoutez, ça prouve que leur vie est tellement programmée que c'en est déchirant de tristesse et d'ennui. Parce que non, c'est pas ça, faut défricher, faut oser, faut aller au-delà de la recette pour à un moment donné, la dénaturer et la rendre autrement. Sinon, hein, ça sert à quoi? Ben, non, mais écoute, la télévision, là, ça a l'air d'être bon. Donc, j'aimerais ça, moi, ressusciter ce que je vois, hein? Créer la même chose, faire un clone de recette à la poudre près, à la goutte près, à la saveur près. Je suis prêt. Alors, c'est quoi? C'est 1 cuillère à soupe de sauce béchamel. Alors, moi, la sauce béchamel, là, ça me rentre dans le gorgoton, puis on dirait que ça veut ressortir immédiatement. Ça expulse. En un mot, ça m'écœure. Ça m'écœure, la béchamel. Puis en plus, hein, tourner toujours dans le même sens. Pas faire de l'autre côté, sinon tu vas la faire tourner, la béchamel. Puis si tu fais tourner la béchamel, elle va te donner un coup de poing en plein visage. Tu savais même pas que ça pouvait faire ça, une sauce béchamel. C'est une simple sauce, tu sais, pas de simplette, là, mais c'est juste une maudite sauce à la chenoute. Mais là, c'est sous-estimé, la soupe à béchamel. Elle est guerrière, cette crème. Elle est même vagabonde, un peu rebelle, bref, à la hauteur de mes attentes, auprès de la gente féminine. Faut se démarquer, l'envie, Raymond. Faut se démarquer. Georgette, démarque-toi. Je sais que elle, là, ma belle Georgette d'amour, on l'a connue en 1967. Elle était flamboyante. Elle était dans les majorettes de Saint-Exupéry. Ça, c'est à Amos. En Abitibi. Voyons donc, Amos, c'est pas Amqui, là. C'est en Abitibi. Amos. Elle m'a laissé là parce que, en fait, je voulais aller à Port-Cartier. Moi, je voulais faire ma vie à Port-Cartier de 75 à 79. Je trouvais que c'était là que, avant que la prison soit bâtie, soit au monde. Et que des récalcitrants y pénètrent et puis que ça devienne ce que c'est maintenant, c'est-à-dire un endroit super intéressant. Parce que c'est pas juste une prison, ça se résume pas à une prison. Il y a un centre culturel sublime, extraordinaire, merveilleux, où des humoristes québécois, des chanteuses, des chanteurs québécois, des groupes québécois vont se produire et se reproduire également. Il y a des hôtels pour se reproduire là-dedans. Ah, des beaux hôtels. Ah, des restaurants. Chez moi, il y avait, à l'époque où j'étais là, moi, je restais sur la rue Lebel, à Port-Cartier. 4 rue Lebel, appartement 415. Ouais. Martine me dit je veux pas quand même, mais je veux quand même. Je sais pas ce qui lui passe par la tête, des fois c'est que des peignes. Tu crois que je débloque? Ok. Martine est insomniaque à 100%, faut faire avec. Donne des coups de coude, elle guitariste, faudrait y assurer. Elle veut refaire l'amour, mon cul. Martine Boud. des petites garçonnes de son âge. Comment la toucher quand elle me revient tout en âge? Qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi? Martine Good, je me pose en douceur sur Martine des questions d'amour propre. À mes yeux, elle est nickel, à mes doigts, je peux pas dire. Peut-être que c'est juste un bout. Faut voir. Martine Boud. Mon père et toi, ma mère n'avaient que moi d'enfant. Mon père et ma mère n'avaient que moi d'enfant. N'avaient que moi d'enfant, la destinée, la lose au bois. N'avaient que moi d'enfant, n'avaient que moi d'enfant. À force de les visites, j'en ai vendu maison. Avec tous les visites, j'en mets dans les maisons. J'en ai maison, la visite, vis en vous, vis en vous, vis en vous. J'avise à vous avaisez avazaz. Mais avazaz est le jazz, et le jazz la mouche, c'est le zouz et le ziz. De gals, casinos, de belles. La voie lactée. On l'a fait, ça, là. Et puis, non, je l'aime, oui, là. La voie lactée, c'est l'énergie. Voyons-toi. Chan. On se trompe, hein? Ça m'a coupé l'herbe sur le pied. À Port-Cartier, il y en a de l'herbe. Il y a aussi des roches immenses. Et quand j'y habitais, on faisait des pique-niques à chaque roche. Parce qu'à 4 rue Lebel, l'appartement 415, là, c'était merveilleux. On suivait mon père. Mon père était ferrailleur à l'époque. Tu sais, aujourd'hui, c'est fait avec des camions. Mais là, on transportait le fer. Ben oui, il était ferrailleur. C'est du fer, Mme Tremblay, là. Ah, non. Vous pensez, non, les vitamines de fer. Non, c'est pas ça. Non. C'était les poutres en fer forgé. Puis des fois, ils n'étaient pas forgés, là, pour transporter ça. À la sueur de leur front, à l'épaule, pas à la machine, pas à la grue qui allait lui manger le fer, puis transporter la barre un peu partout, là. C'est les hommes. Un peu comme dans Astérix, là, tu sais, quand ils font les pyramides, là, c'est fait à la sueur de bonhomme. Le bonhomme en suit un coup pour faire vivre sa famille. Mon père aussi, ma mère, là, n'avait que moi d'enfant. On l'a fait, ça, là? N'avait que moi, la destinée, la rose au bois. Il se levait le matin, puis il se couchait le soir. Aujourd'hui, c'est plus de même, là. On se couche plus, puis on dort plus. On reste les yeux ouverts devant l'écran. Que ce soit cathodique, ou pas si catholique que ça, ou l'écran de télévision. Hein? Le télévisuel. Doux Seigneur. Encore là. Ça, là, ça fait partie de l'univers machiavélique. moderne. Y en a-tu du machiavélique? Une pizza, ça peut devenir machiavélique. Tu sais, toi, tu sais que une médium, c'est pas ça qu'il te faut, c'est une extra large. Là. Même si tu deviens extra large comme ta pizza, tu veux tout manger. Là. Comme chantait la belle Angèle Arsenault. Là. Moi, je mange. Il y en a qui lèchent la vitrine. Moi, je mange. Moi, je mange. Moi, je mange. Moi, je mange. Moi, je mange. Moi, je mange. Et puis là, je me dis que c'était... Hein, on comprend pas, mais c'est normal. Pourquoi toujours comprendre? Laissez-vous aller, là. Quand vous partez, là, en bateau, à Well, pas à vapeur, à Well, hein? Puis vous hissez la Well en question, puis que le vent part, mange la Well, tu sais. En fait, embrasse la Well, c'est plus que manger. Embrasse la Well, puis là, tu pars. Est-ce que tu dis tout le temps, je comprends pas? Ben, ça avance, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Pendant toute la semaine, là, tu constrict, t'essayes de comprendre rapidement, puis là, quand il vient le début de la fin de semaine, là, c'est là que tu te laisses aller. Oh mon Dieu. M'a défaire ma ceinture. Ah oui. M'enlever mes... Comment ça s'appelle ça, donc? Hein? Non, non. Il y a rien de... Non, non, non. Il n'y a pas de censure. C'est... Tu sais, t'es... Ah! On enlève nos bretelles. Je cherchais le mot bretelle. Ça m'arrive. Je cherche des mots, tu sais. Extravagant. Je viens de le trouver, mais ça ne veut rien dire dans mon histoire. Alors, la ceinture, les bretelles, une bonne respiration, une expiration, attention, trop souvent, là, ça fait louche. T'sais, ça fait le gars qui se laisse aller. Puis qui remet après ça sa ceinture, qui remet après ça ses bretelles, puis qui monte sa fermeture claire, et ça, ben, il est clair, les mesures est claire, les mesures, la fermeture, la ferme, oui. Oui, je vais la fermer, monsieur le juge, oui. Non, je suis innocent, oui, je suis innocent depuis le début de mon existence, oui, depuis 1980, non, moi, je suis né en 1900, soufflez-moi, voyons donc! Ah, ils savent pas, eux autres. 1962. Je suis né en 1963, mais je voulais en 62. Mais les jambes se sont serrées. Pas les miennes, celles de ma mère. Ma mère, elle voulait pas que je sorte. Elle dit, ah non, je suis tellement bien enceinte. Je suis heureux enceinte. Je suis heureuse enceinte, excuse-moi. T'sais. Je suis épanouie. J'ai jamais aussi été heureuse qu'à ce moment-là. Fait que je veux pas qu'il sorte, cet enfant-là. Là, t'sais. Puis ça peut être un tas de troubles, ça fait. Ah mon Dieu, je sais pas. Puis là, je me suis demandé au début, est-ce que c'est moi qui le fais, cet enfant-là, ou que j'attends la cigogne? Parce que si je commande à la cigogne, là, elle va-tu m'envoyer ce que je veux avoir? La dernière fois, j'ai eu une fille. Ah mon, je te dis pas. Ben, je peux te dire. Avez-vous 2 minutes? Non? Ah ben oui, on est pressé. Bon, comme le jus. Êtes-vous jus d'orange ou jus de citron? Mais. Sous tes couleurs trop vives, tu caches en ton giron la promesse nocive des pépins du poison. Poivron, j'aime pas. Sur ma langue me fait dans le cœur comme voyageur le bateau qui tangue. J'aime pas les poivrons. Vapeur assassine, prélude à la peste, ton odeur infeste toute ma cuisine. Non, j'aime pas les poivrons. Cousin des belladas dans tous les ragots. Non, non, non, Mais tu me reproches, comme on dit ici, et c'est bien toi qui cherche la nicroche. Je fuis les embrouilles, loin des ratatouilles. Je fuis les salades, loin des piperades. C'est toi qui m'imposes la lutte intestine. À quoi me destine l'effet et la cause? Je fais un balèze au poulet basquez. Comptez pas sur moi pour la tchitchouka. Ne gâchez pas ma fête. Non, non, j'aime pas les poivrons. Mes chers amphitryons. Non, non, j'aime pas les poivrons. Bannissez des assiettes. Non, non, j'aime pas les poivrons. Ce mauvais compagnon. Non, non, j'aime pas les poivrons. Au festin de Juliette. Qu'on a compris que j'aimais pas trop les poivrons. Oh yeah. Pas de ratatouille? Non, pas de ratatouille, non. Alors, la piperade, alors? Mais pas de piperade non plus, bah. Et le poulet basquez? Voilà. C'est trop, ça. Alors, une de tchitchouka? Oui, Juliette? Ma belle Juliette. Non, ce n'est pas Gréco. Non, c'est Juliette. Ça s'appelle Juliette. C'est son nom d'artiste. Les poivrons, t'aimes pas les poivrons? Bon, les poivrons, hein, c'est des variétés de piments. Chez nous, ben, on appelle ça des piments. Là-bas, c'est des poivrons. On peut les appeler comme on veut. Hein. En Belgique, c'est des poivrons. Même au Québec, j'appelle ça des piments. Il y a des piments rouges, piments jaunes, piments verts. Piments pas, surtout. C'est parce que si tu mens... Le piment va le savoir. Puis s'il sait, il va te balancer toutes ses graines à l'intérieur. C'est comme une citrouille, hein? T'as déjà assassiné un piment, toi. Un poivron. T'as déjà assassiné un poivron. Des vis, hein? Mon micro, mon... c'est un Shure SM58, madame. Professional. Bien sûr, on est à CKRS. C'est du professional. Et il était mal vissé. Je pense avec le temps. Avec le temps, avec le temps, va, tout s'en va, tous les choses 58. Hein? Oui, j'ai dit 58, mais personne s'en est rendu compte à part vous. Les choses 58, un moment ça se rétracte, et quand ça dévisse, il faut bien remonter le bidon, sinon ça va tomber. Imaginez-vous l'émission, comment ça va se freiner. Avec le temps, on va... Tout s'en va, sans le poivron. Parce que le poivron est un piment, hein? Pimentez pas, vous le savez, vous le saviez, que ce soit partout dans le monde. En allemand, c'est Hepping. En chien, c'est Piming. En allemand, c'est Piming. Au Québec, c'est Piment. Puis en France, c'est Piment. Alors, poivron dans toutes les... En tout cas. Et puis, en anglais, ils en mangent pas, eux autres. Les Anglais connaissent pas ça, le piment. Les Anglais connaissent. À part quoi, le rock et le suisse, hein? Mais Gigi, qu'est-ce que tu croyais? T'étais Gigi la morose, là, voyons donc. Non, t'es un piment vert. De Charlebourg. Ah, ben non, le piment rouge, c'est dans le Vieux-Québec, là. Oh, monsieur de monsieur, ça coûte plus cher, mais c'est plus beau! Que la peinture à l'automne. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que ta face de macro. Ben oui, regarde-moi ça, ce gars-là. Hey, il croit flirter, là, mais il a l'air d'un prédateur sexuel. Il était là, à la caisse. Il y a une cliente qui était derrière lui. Mais là, il la jette pas, là. Il la regarde, là. Il la regarde, elle fait des achats. Lui, il a fini, là. Il a mis ça dans son sac. C'est une bouteille de vin. Alors, tu vois un peu le... Je pense qu'il en avait pris une avant. Pas une fille, mais une bouteille. Quoi qu'il doit traiter la bouteille et la fille de la même manière. Donc, il s'avance, mais à peine, tu sais, pour sortir, mais il reste à côté de la fille, très, très collé. Puis là, elle achète des choses, moi, je scanne. Et il prend sa carte, il paye pour elle. Là, il s'en va. Là, la fille me dit, écoute, est-ce que je dois partir, là? J'ai peur. Non, attends un peu, là. Je le connais. Mais c'est pas parce que je le connais, c'est un gars fiable, là. Et je vous jure que c'est vrai que ça fonctionnait, là. Ça fonctionnait, c'est du vécu. Ça s'est passé il y a quelques semaines. Trois. Deux et demi, deux et demi. OK, on oui. Puis là, comment ça finit? Bien là, elle m'a demandé, garde, je suis à pied, je suis pas en voiture. Est-ce que je peux attendre? Ben oui, attends, là. Puis je vais aller voir par la fenêtre s'il est parti. Elle l'a regardé comme ça, là. C'était pas vraiment faire du charme, là. C'était épouvantable. Puis là, je le connais, ce gars-là, là. J'ai dit, hey, bravo pour notre honneur, nous, les garçons. Si les filles, en général, non, ben, assez faire la différence entre un imbécile qui est un prédateur puis un type qui veut simplement lui faire conversation puis la trouver charmante. Bon. Mais en même temps, il lui a payé 22$ d'article qu'elle avait acheté. Elle était mal à l'aise, mais bon. Écoutez, je vais lui dire à la jeune fille, écoute, dans la vie, là, on rencontre des imbéciles. Hein. À tout endroit, à tout moment, surtout les filles, soyez prêtes. Mais surtout, restez droite, puis demandez de l'aide. Hein, si vous avez une crainte, là, demandez de l'aide à n'importe qui. Parce que, qu'est-ce que tu veux faire? Mais non, pas la morale, c'est bon. Non, ben la morale, c'est pas beau, la morale. Quoique, ça dépend. Quand c'est trop gros, là, comme là, maintenant, là, c'est pas appréciable. Ah, non. L'errance canadienne, là, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Anciennement visuels, mais on n'est plus visuels. Ah, non. On est buccal. Comme la... Ben oui, ben, la bouche. Ben, y en a, toi, buccal, la bouche. Comme toi, prends une douche à l'eau froide. Déshydrate tes pensées. Reformate ton existence. Et recrée ta vie. C'est beau, hein, c'est beau, ça. Peux-tu prendre ça à d'autres? Oh non, c'est parti. Hein? Les idées, c'est comme ça. Si t'as pas le crayon, si t'as pas le magnéto, c'est parti. Où s'en vont les mots? Où s'en vont les ondes de ces KRL? Partout. Dans l'univers. Partout. Dans l'univers. Hein? Gédan? Je crois que je suis coincé, là. En deux vents. Aïe. Ça se fait mal. Mais, oui. Peux-tu venir me chercher? Mais me chercher, parce que t'as pas en train. Peux-tu? Oui? Là, je suis entre la grande ours et la petite ours. S'il te plaît, je te fais signe, là. Me vois-tu? Allô? Allô? Non? Tu vois rien? Il n'a jamais rien vu, lui. À part la voisine. Il fait tout. Ah, il fait dur. Il fait dur. Il fait dur sur le chapeau dur. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? T'es où? T'es pas là à côté de moi? T'es pas là à côté de moi? À côté de moi? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Oh non. Pas déjà là. On avait un fun noir. Noir! Ok, ma noir. On y va. Comme d'habitude. Sans but et sans itinéraire, un de ces jours où il fait beau, emmène-moi et partons faire une virée en deux chevaux. Un de ces jours où il fait beau, le long des collines gasconnes, une virée en deux chevaux, c'est de la jeunesse qu'on braconne. Le long des collines gasconnes, le cœur au rythme du moteur. C'est de la jeunesse qu'on braconne sans regarder le rétroviseur. Le cœur au rythme du moteur, le hasard a choisi la route sans regarder le rétroviseur. La terre tourne sans qu'on s'en doute. Le hasard a choisi la route au petit bonheur brun que ballant. La terre tourne sans qu'on s'en doute, alors autant prendre son temps. Au petit bonheur brun que ballant, on sait vers quoi on se précipite, alors autant prendre son temps. La vie est courte pour aller vite. On sait vers quoi on se précipite, on le devine à l'horizon. La vie est courte pour aller vite, il fait si doux pour la saison. On le devine à l'horizon, les Pyrénées là-bas se voilent. Il fait si doux pour la saison, c'est bientôt l'heure des étoiles. Les Pyrénées là-bas se voile, l'ombre s'étend aux alentours. C'est bientôt l'heure des étoiles, c'est déjà l'heure du retour. L'ombre s'étend aux alentours, dans les brumes et les moirures. C'est déjà l'heure du retour, rentrons mais sans forcer l'allure. Dans les brumes et les moirures que le ciel nous donne en cadeau, rentrons mais sans force et l'allure, l'allure tranquille des deux chevaux. Que le ciel nous donne en cadeau, pour le chemin qu'il reste à faire, l'allure tranquille des deux chevaux, sans but et sans itinéraire. Bonjour Gaétane. Bonjour Juliette. Comment vas-tu? Et les enfants? À 60 ans, c'est si charmant. À 90. À 90. Ça se perd. Oui. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et bien, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénadienne. Je l'ai manqué celle-là. Oui, la semaine dernière, je l'avais un peu mieux. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai pas fait. Tout le monde suit pas, ça suit pas. Oh mon, dans l'école, étiez-vous de même? Le professeur, là, qui perdait des kilos à vous montrer les lettres alphabétiques, A, B, C, D, E, F, G, H, G, K, L, M, N, O, P, G, L, L, L, R, Z. Là, tout le monde était croche. Oh, S, M, N, F, S, N, S, T, voyons d'or, toi. Non, les enfants avaient à peu près 4 ans. Tu sais, c'était pas des 40 ans et plus, là, à la recherche du mot à fredonner. Non, les enfants, tu sais, ils essayaient, là. A, B, G, P, T. OK. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Et croyez-moi, quand je suis allé à sa tombe sur la... Oui, oh oui, je suis allé à la tombe de Jim Morrison il y a longtemps, au temps de la métèque, des juifs errants de patois grecs et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma bouche captive, mon âme sort, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je me ferai prince de chant, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaît, la radagamandagé, kamalaké. J'ai vu Jim Morrison, j'ai même pas vu dans sa tombe, j'ai vu ça, mais pas, non, pas sa dépouille, attention, calmez-vous, madame, là. Je suis allé au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, c'est dans le 18e, non, mais parce que ça peut être partout. Le Père-Lachaise se prend par 3 arrondissements. Je dirais pas de moi. Non, je peux pas. Je peux pas parce que je vais recevoir des courriels. Et oui, j'aime bien lorsqu'on m'écrit en me disant « Ah, c'est formidable et un peu étrange. Vous êtes disparate. Faites-vous partie des freaks? » Là, freak, c'est quoi un freak? Puis là, ils m'ont dit « C'est pas freak, c'est freak. » C'est quoi un freak? Moi, c'est en anglais. C'est... Là, je balançais mon drapeau de la loi 101, tu sais. Non, hey, la France, c'est... Hey, soyons francophones, cherchons le bon mot en français. Les Errance Rénaldienne en rament un peu là-dessus, mais au moins, on est conscient dans l'inconscience, tu sais. Il y en a pas beaucoup qui sont de même. Et puis, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, oh, l'absurde rénaldienne, oui, l'absurde aventure de l'Errance Rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons des chemins narratifs, c'est déjà fait. On est rendu presque à la fin. C'est bien de dire ça, là, pour un temps illimité. Mais non, dans mon cas, c'est limité. Je suis limité à... Ah, mon Dieu, je suis limité. Quoique, certaines personnes du genre humain sont tellement gonflées à bloc de leur imbécilité qu'ils s'imaginent qu'ils connaissent tout, qu'ils savent tout. Oh oui, Churchill, il connaît Churchill, ils ont pris une bière avec Churchill, puis lui, il prenait pas, on sait bien qu'il connaît, qu'il a, non, lui, le houblon, il connaissait pas ça, Churchill. C'était du whisky. Oui, bestia, du whisky, Churchill whisky, hein. Et puis, sinon, qu'est-ce qu'il voulait dire, là? Oh, atelier d'improvisation. Cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe en un mot, là. Si t'as pas tout compris ce que j'ai lu, c'est que je vais prendre le mot qui m'est destiné ce soir, et on va essayer de broder quelque chose d'intéressant. Et si ça fonctionne bien, ben, il risque de se retrouver dans le château symbolique de la francophonie que moi-même j'ai mis au monde. Il y en a beaucoup là, depuis le début de l'émission. Depuis le début oui, de l'émission, pas l'émission maintenant, mais depuis le concept d'Errance Rénaldienne qui existe depuis quoi, 19-20 ans. Il y en a eu du mot dans le château symbolique de la francophonie. Il y en a eu plein. Là, aujourd'hui, on place... comme je dis, en garde à vue, le mot ou le verbe observation. Observation. Y en a-tu qui observent pendant leur vie sans jamais rien faire? Ils regardent. Ils font partie du voyeurisme. Ah oui, il parle pas. Il regarde. Le temps passe. Ils examinent tout. Sans aucun commentaire. La bouche est inutile. Les yeux disent tout. Et leur tête, oh. Peut-être qu'ils prennent un crayon pour prendre des notes, pour éventuellement écrire un livre, des nouvelles, un conte. Qui sais-je? Qui sais-je? Qui suis? Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qu'est-ce que tu veux, toi? Non, non, va-t'en dans ta chambre, là. C'est pas le temps des... Non, non, non, c'est rentré canadienne. C'est pas pour les enfants d'école. Quoique, t'as pas été à l'école? Ouais, ça colle peut-être un peu mieux. Puis toi, tu te racoles à quoi? Ouais, bon, hey, quand tu... Hey, c'est épouvantable d'entendre ça, là. Est-ce qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui osent lire les séries de livres incroyablement connues des années 70-80? Tu sais, on appelle ça, là, des romans de gare. Moi, j'appelle ça des romans égarés, là. Ils en ont fait des séries. Comment t'appelles ça, là? On voyant donc des d'amour, puis ils changent le nom pour... Eh, mon... De la série, là. Ils en ont fait des séries, puis... Là, puis, enfin, je sais pas si ça existe encore, là. Harlequin. Les romans Harlequin. Quel est le titre, là, du dernier livre Harlequin, là? Mais c'est épouvantable. Quoique, ça fait lire le public. Mais savez-vous que c'est toujours un couple. Ils ont peut-être changé, là. Mais c'était toujours un couple. Ça pouvait se passer à Rome. Là, ben, ils se divisaient. Après ça, ils se raboutaient, puis ils s'aimaient. Après ça, ça me donnait... On allait en Belgique. On changeait les deux prénoms. Samuel et Juliette. Ça s'aimait. Ça finissait. Que, oh mon Dieu. Hein, c'était du préfabriqué, du pré-mâché, comme certains restaurants de mets rapides. On les nommera pas. On les nommera pas. Il y en a d'autres qui se disent bons à se lécher les... Regarde bien, petit. Regarde bien. Sur la plaine là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, il y a un homme qui vient que je ne connais pas. Regarde bien, petit, regarde bien. Est-ce un lointain voisin, un voyageur perdu? Un revenant de guerre, un montreur de dentelle, est-ce un abbé porteur de ces fausses nouvelles qui aident à vieillir? Est-ce mon frère qui vient me dire qu'il est temps d'un peu moins noyer, ou n'est-ce que le vent qui gonfle un peu le sable et forme des mirages pour nous passer le temps? Regarde bien, petit. Regarde bien, sur la plaine là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, il y a un homme qui vient que je ne connais pas. Regarde bien, petit, regarde bien. Ce n'est pas un voisin. Son cheval est trop fier pour être de ce coin. revenir de guerre. Ce n'est pas un abbé, son cheval est trop pauvre pour être paroissien. Ce n'est pas un marchand, son cheval est trop clair, son habit est trop blanc. Passer le pont depuis la mort du père, ni ne sait nos prénoms. Regarde bien, petit, regarde bien, sur la plaine là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin. Je ne connais pas. Regarde bien, petit, regarde bien. Non, ce n'est pas mon frère. Son cheval aurait pu. Non, ce n'est pas mon frère. Il ne l'oserait plus. Il n'est plus rien ici qui puisse le servir. Sécher tes larmes. Y a un homme qui part que nous ne saurons pas. Tu peux ranger les armes. C'est la seule reprise de l'album de Juliette. Et c'est une chanson de mon ami Jacques Brel. Tous les paroles chez les flamands roses, bene va bene bene luxe. La vie en rose, on n'a pas autre chose. Gratte-moi la jupe. Elle fait l'amour qu'à Dieu, elle fait ça qu'avec God. Confessez-la, confessez. Car le bord de l'angoisse est toujours prohibé. Vais-je bien monter, dis-moi. J'entends des voix de velours. Dis-moi. J'attendrai ton retour. Seront ces décommandés à d'autres chats à fouetter. J'en ai les balles masquées. René va renégocier. On se fait des bises sur le Titanic. Entends-tu mon ukulélé dansant sur des tweets sous mon nez. Des tweets, des tweets. Paso va doubler, paso doubler. J'm'en allant vers au l'avaler. Par cœur mandé, dis-moi, j'entends des voix de velours. Dis-moi, j'attendrai ton retour. Zéro s'était commandé à d'autres chats à fouetter. J'en ai les balles masquées. René va renégocier. Dis-moi. Tout n'est pas rose chez les flamants roses. Beneva, bene, benelux. Plus un mot d'elle déchirait le bouc. Demain il me les faut toutes. Le mousse avait la barre avec un chalumeau. Plus un mais, plus un mais. Et le port de l'angoisse est toujours prohibé. L'ai-je bien monté, dis-moi. J'entends des voix de velours. Dis-moi. J'attendrai ton retour. Zorro s'était commandé à d'autres chats à fouetter. J'en ai les balles masquées. René va renégocier. Yeah, yeah, yeah. Aujourd'hui, je vous propose Rosie Marie, mon auteur, compositrice, interprète que j'aime tant. Alors à toi, ma petite et douce Rosie Marie. Deviennent dangereux. Un sale temps pour ton âme. Autour de toi se noue le drame. Quand tu restes enfermé, humeur fanée et déprimée. L'amertume est au parfum. Qui la nuit te hante, acide, délirante, toxique, virulente, que tu camoufles à bout de souffle. Et si on oubliait demain? Et mille déserts un diabolo citron, j'avais pensé. C'est à quoi? C'est de la grenadine? Non, bah allez-y. Vous êtes sûr? Oui, oui, on va changer. Non, vous inquiétez pas, j'ai plein de citrons à la maison. Il n'y a pas de souci, merci. C'est juste moi qui suis fan du citron. Parce qu'il y a des trucs. Non, non. C'est vrai que c'est rafraîchissant le citron. Ouais, je me fais des. Ben là, chez mes parents, il n'y a que à Nîmes où ça existe, le pacalo. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est du citron, c'est un jus de citron, mais un peu spécial, tu vois, c'est blanc et c'est assez acide. Mais il n'y a que à Nîmes qu'on en trouve. Du coup, je dis à ma mère, et que l'été, je dis, achète plein de bouteilles. Du coup, je. Ah, c'est des bouteilles? Ouais. Ok, le citron est déjà prêt. Ouais, ouais. C'est du sirop de citron, ça s'appelle le pacalo. Pas, je sais pas. C'est une marque, je sais pas. Et du coup, et du coup, j'ai dit, je m'en ramener là. Mimi, arrête. Non, mais surtout que ça fait du bien pour l'intérieur. Ça ah ouais, ouais, moi j'adore. Moi, je prends toujours un citron pressé ici à Paris et j'ai abandonné le café. Ah ouais, c'est vrai. Non, parce que je peux non pas dormir. Désolé, on a. J'ai déjà des problèmes d'insomnie, donc ah ouais, c'est vrai, tu dors pas. Cette année, pas de café. Depuis ce temps-là, c'est nickel. Ouais. Ah, c'est nickel. Avec moi, ça aussi, à part que je. Bon, et toi, alors, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte, ben, je suis toujours à Paris. Je me suis retiré pendant 2 ans. Mais non, t'es plus à Paris, t'es toujours au Canada. Pardon? T'es toujours au Québec. Ah, je suis au Québec. Oui. Ah, oui, oui, oui, je viens ici, comme là, je m'en vais demain. Oui, c'est ça, ouais, oui, j'ai vu, ouais. Je passe toujours vers le début juin et comme mes vacances m'offrent la chance de prendre une semaine de vacances en hiver, je le prends au mois de février, donc j'ai ici 5 jours en février. Je prendrai pas 6 jours parce que la dernière fois, je m'en allais le lundi, je recommençais à travailler le lundi. Mm-hmm. Et je ne ferai plus jamais ça. Et quand j'ai recommencé à travailler, j'ai attrapé le COVID ici. Et comme on n'avait pas de on n'avait rien encore pour vérifier si on l'avait, donc je suis allé travailler avec ça. Amen. Et 4 mois plus tard, 9 mois plus tard, j'ai eu encore la COVID, le COVID. Et les symptômes que j'avais eus en revenant de Paris, c'était les mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai associé et l'infirmière m'a dit que c'était la même chose. Mais avant que le vaccin, parce que le vaccin n'était pas encore sorti, ah, le vaccin, vrai. Ça a pris quand même une bonne année avant que ça nous arrive. Et puis ben là, j'ai sorti mes rétrospectives, parce que mon émission suivait, fait que mes rétrospectives depuis 12 ans. Alors j'ai fouillé dans mes vieux trucs et j'ai diffusé notre première rencontre. Fait que ça sera beau. J'ai diffusé aussi Jean-Pierre Coff, toutes les. Ah, mais j'ai vu pas mal de choses. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et là, quand j'ai pu revenir, je devais rencontrer juste 25 personnes, mais comme tout le monde veut parler, c'est tout à fait normal et je n'ai rien contre, j'en ai rencontré 43 en 10 jours. À chaque fois, j'adore. Mais c'est toujours au suivant. Et comme tout à l'heure, j'étais avec. Avec Didier, dit, ah, toi, c'est toujours au suivant. Ben oui, on s'envoie d'une place. Ça va, heureusement que tu restes au Coca-Cola, Oui. Quoique tout à l'heure, j'ai pris un petit Merlot. Un petit Merlot. Mais pourquoi pas. Mais c'est sûr que je peux pas alcool sur alcool, parce qu'à la fin, je me dis, après les tables, c'est pas très chic. Mais sinon, ben, c'est ça, les artistes ont tellement de choses à dire. Mmh. Et, on a été reclus pendant tellement de temps que c'est heureux de se revoir, c'est plaisant de se retrouver sur une terrasse. Ah, c'est cool, t'es content? Ah, ben oui, ouais, ben, je savais que j'allais être content. Donc, je me suis ennuyé de ça. Et ça a été quand même, là, les 2 ans? Ben, moi, j'étais un service essentiel. Donc, je travaillais quand même masqué. Et j'ai travaillé comme tout le monde dans les services essentiels. Ça a été pas trop dur? Ben, moi, j'ai trouvé ça assez difficile parce qu'on a affaire, nous, avec la clientèle. La clientèle te dit toutes les angoisses qu'elles ont, puis surtout que s'ils sont greffés à la télévision amène la peur, ça n'a pas de chance. Parce que tu travailles dans quoi, tu m'achètes? Moi, je te l'ai déjà dit, j'ai travaillé 30 ans de nuit dans OSO. Mais Imperial SO, on vendait de l'essence. SO, Imperial SO, est-ce que tu connais? Oui, SO. Et puis après, depuis 8 ans, on est venu me chercher parce que l'entreprise a fermé. Le propriétaire a racheté, les propriétaires ont parti et ils ont abattu l'immeuble parce que c'est un vieil immeuble, ils l'ont reconstruit, ils ont pris du nouveau personnel. Moi, j'ai été relocalisé dans un lieu, toujours un SO, mais c'était plus touristique. Mais moi, dans le quartier où j'étais, c'est le quartier des putes. Je suis plus habitué avec une pute qu'avec un touriste. des putes ? Ben oui, j'étais dans un quartier de putes. Je travaillais de nuit. Je m'attendais à tout, mais ça pas ça. Ben oui, j'étais dans un quartier de putes, comme à Pigalle. J'avais mon SO qui était à Pigalle, donc j'ai eu beaucoup de vols à mer. Oui, j'ai toutes les dérivées. Ah oui, j'ai eu 22 vols à mer. Oui. Et donc, ben, c'est mon école. Moi, quand je vais à Pigalle, pour moi, ça ne me dérange pas. Mais ça va, quand même, psychologiquement, des vols à main armée. Enfin, c'est chaud, quoi. Oui, le premier vol, c'est au couteau. Mais ça va, toi? Ça t'a... Oui. Ben non, mais ce qui nous pas nous renforcer, vieux principe. Je crois que depuis ce temps-là, je suis un samedien, c'est à cause du travail de nuit, mais. Ah oui, ben oui. Mais. Oui, on a eu beaucoup parce que c'est un quartier très dur, qui l'est moins. Aujourd'hui, c'est familial, c'est plus bobo, bio, tout le truc à la mode. Là. Même végé, vegan, toutes ces conneries-là. Parce que moi, je suis pas vegan pour 5 cents. En plus, j'ai mangé un bon steak. Et toi, tu es vegan? Oui. Non, je suis végétarienne. Okay, ça, non, pas... en fait, je mange tout sauf la viande. Ok. Voilà, mais t'as pas mis. T'as pas exclu le lait, les œufs? Non, non, non. Après, j'ai jamais bu de lait. Donc non, je mange juste des œufs et du poisson. Du coup, je garde le poisson. Fromage. Que le fromage, le beurre, j'ai jamais aimé ça. Bon, mais déjà là, parce que quand tu coupes de tout, tu prends pas de beurre, tu prends pas de fromage. Ah oui, ben j'ai des potes, ils le sont, il y a plus rien, quoi, du coup. Mais c'est un mot mal dit, c'est très sectaire. Mais bon, chacun sa... Ça, je suis d'accord avec toi. Et donc, là, je travaille dans un... supermarché du quartier, mais supermarché chez nous, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Puis je fais ça depuis 8 ans, donc je suis gérant de soir et c'est moi qui ferme la boutique. Ah oui, d'accord, donc je comprends tes insomnies et tout ça. On gère les caisses, on compte ça, on ferme les lumières. Et à travers ça, ben, j'ai fait mon 800e, mon émission il y a 3 ans et demi, c'était ma 800e. Et là, je suis rendu presque à... Je sais pas, on embrasse presque la 904e. Ouais. Et bon, on a toujours, ça fait 14-15 ans que je suis là-dessus. Et ça me permet aussi de rencontrer des artistes. Ouais, c'est cool, hein. De diffuser à mon émission. Ouais. Mais là, t'as pas enregistré, hein, de toute façon. Oui. Ah, t'as tout enregistré? Ben oui. C'est marrant, à chaque fois je me fais avoir. Ben oui, parce que moi, avant d'arriver, tu étais parti. Alors je pose et c'est déjà parti. Ah, tu pensais que j'allais commencer? Non, je sais pas. Enfin, je me suis dit que... Non, en fait, je me suis dit que tu allais tout en souvenir. Ah non, non, mais il faut bien communiquer les voix, donc je suis pas un imitateur. Ouais. Ah non, non, moi, je pensais que tu allais l'écrire. Je ne dors toujours pas. Je me cogne. Je me cogne sur toi. Minuit sonne. Quel est ce pouvoir-là? Je me questionne. Je me questionne sans foi. Minuit sonne. Je ne dors toujours pas. Oh, Non, à chaque fois, ça me fait. Je repense toujours à la petite île où tu m'avais dit que mes titres passaient. L'île de la baleine. Non, comment ça s'appelle? Oh non, c'est À tête à la baleine. À tête à la baleine. Ouais, il y a 100 personnes qui écoutent cette radio-là. En fait, c'est juste les résidents de Tête à la Baleine. Oui, mais Tête à la Baleine, on est d'accord, c'est une petite île au-dessus, tout en haut, proche de l'Alaska. Groenland. Oui. Attends, je vais noter. Mais il faut dire aussi que, avec le réchauffement climatique, il y a moins de glace. Donc, quand c'est une île, peut-être que ça risque de partir. Tu comprends? Comme toutes les îles. Et donc, ça, c'est un. C'est un endroit où il y a beaucoup de pêcheurs, beaucoup de qui vivent uniquement de la mer. La dernière fois, il y a 2 ans, ils étaient 97. Mimi, arrête! 97 résidents. Ah ouais? Oui, c'est... Voyez là, derrière de toi. Mimi, arrête! Non, mais elle va déranger les autres. Ça suffit, tu arrêtes. Qu'est-ce qui se passe? Mimi, ça c'est mon oreille, ça. Ouais, non, ouais, c'est excusé, c'est beau. Elle me crache dans l'oreille. C'est bien, elle s'excuse. Ouais. C'est une bonne comédienne, celle-là. Ah oui, ah oui. Et oui. Avec... Ça, c'est mon ancienne copine qui a une radio là. Oui, je me rappelle. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'elle a dit oui, puis après ça, elle m'a appelé immédiatement. Elle dit, peux-tu m'aider? Je suis allé au bout du monde. Parce que j'ai dit oui pour reprendre une ancienne radio qui allait fermer. Mm. Puis comme je connaissais rien, je me suis dit. Ah, elle me rappelle ça. Voilà. C'est cool, hein? Non, mais il faudra que je retourne voir les photos. Ça me fait rêver. Non, parce que là, dernièrement, j'ai lu un livre où la fille elle partait seule sur une île à côté de l'Écosse. Pareil. Elle, c'est. Proche de l'Islande et tout. Adèle H est partie en Nouvelle-Écosse. Adèle Hugo, la fille de Victor Hugo, écrivaine, et c'est une écrivaine. Elle était partie en Nouvelle-Écosse? En Nouvelle-Écosse. Tu regarderas le film de François Truffaut qui raconte sa vie et ça s'est passé près de chez nous. Adèle a quitté. Adèle H de François Truffaut, c'est avec Isabelle Adjani. C'est un de ses premiers rôles. C'est fabuleux. Fabuleux. Non, mais je devrais dire aux gens, gardez votre téléphone, parce que je prends toujours des notes quand je parle. Ben oui, c'est pour ça. Ah, ouais. Oui. Comme moi, je le range, parce que maintenant, je ne veux plus être tributaire de cette chose-là. Ah, tu ouais. Vois. Ouais. Maintenant, je le cache, tu vois. Ben oui, oui. Donc, tu peux trouver ça dans toutes les clubs vidéo, mais là, il n'y en a plus de clubs vidéo. Ça, c'est à l'ancienne. Adèle H. Adèle H, oui, de François Truffaut. Et même tu peux aller te ressourcer au texte d'Adèle Hugo parce que c'est merveilleux. Elle est virée un peu à un moment donné. Elle a viré craque-coute, comme on dit. Elle a perdu la carte. Mais peut-être quand ton père s'appelle Victor Hugo, c'est. Ça va être facile, c'est pas, non? C'est pas évident. Non. Tu sais, quand les parents ils sont connus, c'est pas plus facile pour les enfants, hein? Faut pas croire. Hein? Oui. Puis c'était une fille qui voulait. Elle était féministe avant tout le monde. Hein? Puis aujourd'hui, à l'époque, le mot féministe n'existait pas. Parce que moi, j'aimerais bien venir par chez vous. Mais ce qui est, c'est que c'est pénible parce qu'en avion, ils veulent pas qu'on prenne les chiens. Bah, c'est de moins en moins vrai. Hein? Ben non, mais je ne veux pas la mettre dans la soute. Ah, oh, ouais. Oh, non, chez nous, non. Mais tu peux pas le prêter à un ami? Si, mais ça fait de l'aventure comme ça. Ah, oui. Plus petit, je pense. En cash, ça ne dérange pas. Hein. Oui, en cash, ça ne dérange pas, mais elle, on ne peut pas la mettre en cash. Si, ou je mets juste le corps en cash, tu sais, puis il y a la tête et les pattes qui sortent. C'est pas très esthétique. Mais elle est en cage. Ah oui, enfin bon, il y a quand même la tête, les pattes. Mais c'est pas grave, elle est en cage. Ça, ce serait drôle, ce serait un bon truc à faire. Ben oui, parce que ça rentre dans le corps. Au niveau bureaucratique, il faut que l'animal soit en cage. Et ben là, le corps en cage. Elle a 80% de son corps dans la cage. Exactement, mais l'essentiel n'est pas en cage. Et ouais, c'est, puis en plus, il y a un bel endroit l'été, c'est à la Petite Vallée où il y a des ateliers de culture. Oui, mais tu vas tout ça, tu vas à tous ces endroits-là? Ben non, parce que c'est à l'heure où on se parle. C'est maintenant. Alors là, je suis à Paris. Mais il n'y avait pas un autre truc... Il y a plein de choses. Il y a la francophonie, il y a le festival d'été. Oui. Là, c'est maintenant. Il y a le festival de jazz à Montréal. Là, c'est maintenant. Il y a les francophonies. Ça, c'était au début du mois. C'est ça, exactement. Mais non, mais il y a un truc ouais, où tu as des partages avec des artistes d'ici où tu écris, tout ça. C'est Petite Vallée. Mais c'était pas au mois de juin? Ah, peut-être ça a décalé. C'est vrai qu'avec... ils ont tout reprogrammé. Il faudrait que je regarde. Mais sinon, c'était normalement, là, avant le COVID, c'était à ce moment-ci. Et pourquoi tu viens jamais quand il y a les festivals ici? Tu sais, genre... parce que comme t'aimes bien certains artistes qui... Mes vacances. Ah ouais, parce que tu pourrais aller à... Comment ça s'appelle? Garance, elle y va tous les ans, là. Festival dans le sud, là. Bah elle va dans tous les festivals, ouais, sûr, t'aimerais. T'aimerais parce que c'est toute la chanson, c'est tous les mêmes personnes, tu vois, on se retrouve et tout ça. Mais pourquoi toi, tu fais pas ça? Parce que pour le coup, c'est très, très chanson-chanson. Et c'est plus chanson à texte. Moi, je me considère pas comme chanson à texte, en fait. Moi, c'est quand même plus la musique au départ. Mes textes sont moins, on va dire, pas qu'ils soient moins élaborés, mais ils sont plus côté variété ou pop que chanson-chanson. Par exemple, Les Garants, ça fait pas du tout les mêmes styles de chansons que moi, au niveau de l'écriture et tout ça. Elle, c'est vraiment de l'écriture pure. Tu vois, donc c'est vraiment chanson, chanson. Non, mais je cherchais le mot, j'arrive plus à retrouver le... Guerrière sans armure, je n'ai pas fait semblant. J'ai voulu bien faire. Tes blessures bien des années durant, j'en étais tellement fière. À trop jouer la dure, de moins en moins vivante, au point de manquer d'air. Tout en moi se fissure, je t'ai donné mon ventre, perdu des plumes dans l'atmosphère. C'est comme un grain de sable dans les rouages fragiles, mais pas docile à ne rien dire. J'ai disparu entre les lignes, je m'étais perdu. J'ai besoin d'un cocktail pour retrouver les sens. c'est les gens, les enfants qui sont nés en 2020, ils ont vu tout le monde masqué. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir. En tout cas, les psychiatres vont faire des affaires d'or. Si vous trouvez une branche aujourd'hui, allons en psychiatrie, parce qu'il va y avoir de plus en plus de personnes. Oui, même les enfants à l'école. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup, ça les a, ouais, ça les a marqués. Oui, parce que si tu veux prononcer un mot, si tu ne veux pas la branche, comment tu veux? Ouais. Ben, il y en a, par exemple, qui n'ont presque pas vu le visage de leur maîtresse, tu vois, de l'année, puisqu'ils sont arrivés en classe et il y avait le masque. Après ça, tu lui redemandes gentiment de remettre la masque. Genre, ah ouais, tu sais, genre, elle enlève. Oh non, remettez-le. C'est moi, c'est ça, exactement. Mais des fois, ça fait ça, tu sais, des fois, dans le métro, tu te dis, ah ouais, pas mal. Puis d'un coup, là, tu fais, ah merde, putain. Ah, mais as-tu remarqué les gens que l'on connaissait, là, puis qu'on croisait avec un masque? Puis à un moment donné, 2 ans après, ils en avaient plus. On se souvenait même plus de la bouche qu'elles avaient. Ouais, ça faisait bizarre à un moment donné quand les gens commençaient à l'enlever. Ouais, je suis d'accord. Ouais, moi, ça m'a pris 2 semaines avant de reconnaître la bouche d'une personne. Mais c'est vrai. Non, mais je te crois. C'est vrai que c'était très étrange. Ouais. Mais c'était bluffant parce qu'on voyait plus de bouche. Puis après ça, écoute, même si ça faisait 20 ans qu'on connaissait cette personne-là, mais sans masque, oh, ouais. Ah, puis dans ta tête, c'était plus... Tu voyais plus cette personne-là avec une bouche. Ouais. Ça nous a fait bizarre, hein? Mais là, ça y est, en plus, les gens commencent à le remettre un petit peu, là, dans le métro et tout. Ouais, mais dans l'avion, t'es obligé de l'avoir. Mais en même temps, je me dis, si t'es malade, mais n'importe quelle maladie, hein, une gastro, ou tu vois, juste un rhume et tout, franchement, si tu veux le mettre, mets-le, quoi, tu vois, comme ça, au moins, tu fous pas ça à ton voisin. Ça désacralise un peu, ça. Oui, oui, oui, je me dis que, voilà, si t'es malade, que tu veux le mettre, mets-le, tu vois. Mais, est-ce que tu l'as eu? Non. Non? Non, moi, je touche du bois, j'ai jamais eu. Et t'es vacciné? Ouais. Mais bon, ça c'était chiant quand même, hein, parce que je l'ai fait, c'est la première fois que je fais un truc comme les moutons, tu sais, on me dit je le fais. Ça m'a beaucoup... Questionné? Ouais, pas par rapport à moi, parce que j'avais décidé de le faire, donc pas de soucis. Puis j'ai pas eu de séquelles, enfin, si, la troisième dose, je tremblais la nuit, mais à chaque fois j'ai fait en sorte d'être avec des gens, enfin j'ai toujours fait, il y avait ma famille, comme ça j'étais pas toute seule, tu vois, je me suis dit c'est un problème, quelqu'un garde mon chien et tout. Non, ce qui m'a beaucoup dérangé, moi, c'est le rapport avec les autres, le rapport avec ceux qui voulaient pas se faire vacciner. Ça m'a... J'étais un peu en colère, en fait, des relations qui se faisaient, quoi. Enfin, comment te dire? En fait, les non-vaccinés, des fois, ils nous regardaient, genre, avant que tu te fais vacciner. Hein. Comme si t'étais un mouton, hein. Ouais, comme si je faisais quelque chose de mal, tu vois. Sauf qu'à la fin, eh ben, en fait, tous les non-vaccinés voulaient l'avoir pour avoir le pass vaccinal. Pour pouvoir sortir. Ouais, et moi j'en ai plein qui disaient, ah ben vas-y, fais-moi si quelqu'un a le Covid, file-le moi, donnez-le moi, venez, on s'embrasse et tout. Et ça me dérangeait beaucoup en fait. Parce que c'est quand même une grave maladie qui a vraiment empêché. Et les gens voulaient qu'il y ait un vaccin, qu'il y ait une solution. Ils ont trouvé la solution. Et en fait, ben, les gens ne voulaient pas de cette solution. Bah mais comment tu. Alors, bah oui, comment tu vas en sortir alors, puisque tu demandais à être. Après, je comprends, ce vaccin, on ne sait pas vraiment de quoi il est fait. C'est vrai qu'il y a eu énormément de choses qui ont été dites tout autour. C'est vrai que ça s'est fait vite. Alors, c'est vrai que, bon, j'ai envie de te dire, c'est bizarre, on a trouvé rapidement. Alors que le sida, j'aimerais bien qu'on trouve quelque chose, tu vois, qu'on mette autant de temps, alors que le sida, il est quand même financé tous les ans. Enfin, bon, moi, le sida, c'est une cause qui m'importe beaucoup, tu vois, que c'est très important pour moi. Mais c'est vrai que, bon, pour le Covid, bizarrement, on trouve très, très vite, et pas pour le sida. Tu fais bon. Et mais ouais, à la fin, j'en avais un peu mal. Mais j'en ai pas mal autour de moi qui sont pas vaccinés. C'était très chiant. Quoi. Mais est-ce que ça t'a déçu comme, tu sais, c'est tes amis, tu croyais avoir les mêmes valeurs qu'eux, puis au bout du temps. Ah ouais, moi, il y en a une, j'ai du mal à lui parler maintenant. Parce que tu te rends compte que sa vision de la vie n'est pas du tout ce que tu croyais? Non, c'est pas sa vision de la vie en règle générale, c'est plutôt ses réactions. Ouais. Ouais, me dire, ah ben si tu l'as, appelle-moi, je viens t'embrasser pour l'avoir, pour avoir mon passe vaccinal. Ah oui, ça c'est une débile. Ça c'est une débile. Ah oui. Ouais, j'en ai, bah, surtout que du coup, moi j'en ai deux, parce que moi j'ai deux amis qui l'ont eu, qui n'étaient pas vaccinés, bah c'était pas la joie. Hein. Bon, après voilà, du coup, eux, bon, ils l'ont chopé, ils sont pas vaccinés, bon, là maintenant ça va. Mais des fois, c'est long, hein. L'odorat, tu l'as après 5-6 mois. Ah, ben. Donc, le goût, ça fait déjà un an. Ouais, moi, j'en connais pas mal qui toussent beaucoup, qui toussent encore maintenant. Ouais. Moi, je te cache pas, j'aimerais ne pas l'avoir parce qu'il y a pas mal de variants avec qui toussent. Ouais. Et quand tu chantes, c'est chiant de tousser, quoi, tu vois. Donc, non, écoute, moi, je touche du bois. Après, moi, je suis toujours fait gaffe. Je me lave les mains 40 milliards de fois par jour. Enfin, je crache pas à la gueule des gens. Enfin, tu vois, puis j'embrasse pas tout le monde. Enfin, tu vois, je fais quand même attention, quoi. Enfin, mais en fait, j'ai toujours été comme ça, donc... Mais ça a changé le comportement, la rencontre avec l'autre. Ah bah oui, ben, c'est toujours pareil. On se demande d'abord si on fait la bise ou pas. Bon, moi, je fais la bise à tout le monde. C'est vrai que... Bah en fait, ça arrange, comme ça, on fait la bise à qui on veut. Et celui à qui t'as pas envie, tu fais « Ah, salut !» Oui, voilà, mais après... Bah en fait, ça a arrangé aussi certaines personnes. Moi, il y en avait qui me disaient « Oh, ben moi, j'aime pas faire la bise. » Du coup, ils faisaient pas la bise, ils allaient, tu vois... respecter. Ouais. Non, moi c'est plus, voilà, je te dis, les non-vaccinés qui des fois j'avais l'impression que moi, ils me regardaient, enfin, moi j'ai eu l'impression en fait de me faire presque avoir, ouais. Moi ça y est, j'ai tout fait. En fait voilà, je me suis fait vacciner, j'ai tout fait comme ils avaient dit, mais au final, bah, je me trouvais autant punie que ceux qui n'étaient pas vaccinés parce qu'on pouvait pas sortir plus que ça, parce que, ouais, enfin moi, pas montrer mon passe, ça me faisait chier, enfin... Mais c'est ça, moi, ce qui me fait ça, c'est que moi, j'ai pris sur mon temps pour être vacciné, et il fallait une preuve, c'était parfait, parce que moi, j'ai fait mes devoirs, et là, après ça, du jour au lendemain, et ça n'a pas pris le temps, même pas deux mois, même si t'es pas vacciné ou vacciné, t'as rien à montrer. Ouais. Alors moi, qui a pris sur moi, qui a pris mon temps, tu sais, j'ai appelé pour le rendez-vous, je me suis présenté, j'ai attendu une demi-heure après avoir été vacciné pour voir s'il y avait des réactions, et il y en a qui s'en ont foutu éperdument, et... On peut pas savoir si l'autre était vacciné ou pas. Ouais, puis bon. Mais tu peux pas aller en Europe si t'es pas vacciné, parce que j'ai ma preuve vaccinale. Ah oui, voilà. Et ça, oui. C'est bon, au moins. Oui, parce que bon, c'est vrai qu'en plus, nous, en France, on a commencé la vaccination, c'était quoi? C'était en avril, mars, avril, mai. Ouais, mars. Un an après, il n'y avait déjà plus rien. Enfin, après, je me suis dit, oh là là. Ouais. Tout ça pour ça, quoi, finalement, ça a duré un an. Puis en fait, vraiment, je me sentais aussi punie, autant punie que ceux qui n'étaient pas. Parce que je sortais pas plus, j'avais pas l'impression de. Enfin, que je pouvais faire d'autres choses que les autres. Enfin, je sais pas, c'était très compliqué, quoi. Non, ça, par contre, voilà. Dans cette période-là, ça, j'ai pas aimé. Oh, hey, en passant, je vais vous rencontrer Abdel. Abdel, le chanteur Abdel, qui a fait la première partie de Vanessa. Non, Abel. Non, il veut qu'on l'appelle Abdel. Je l'ai nommé Abel la première fois quand j'ai rencontré. On se quittait, puis... Oui, Abel chéré. Oui. Ben, j'ai dit Abel, il dit non, c'est Abdel. Tu l'as toujours appelé Abel? Ben oui, c'est Abel. Ah, et moi, il m'a dit Abdel. Mais même l'enregistrement, le dit, on l'entend, mais moi je le nomme, je dis bonjour à Adèle, il dit non, il dit c'est Abdel. Ah non, Abel, pas Adèle. Non, Abdel, Non, c'est Abel, chérie. Abel, toi tu l'as appelé Adèle. Non, je l'ai appelé Abel, il dit non, c'est Abdel. Il s'est appelé Abdel, celui qui a fait la première partie de Vanessa Paradis. Mais en tout cas, je devais le rencontrer il y a 4 jours. Abel chérie. Oui, c'est ça, oui, exactement. Non, c'est Abel. Ah ben, il m'avait repris, mais en tout cas, peu importe, peut-être ma prononciation. Peut-être, ouais, peut-être qu'il a pas compris. Ouais. Et je devais le rencontrer avant-hier. Ouais. On a annulé parce qu'il l'a attrapé. Ah bon? Et encore? Là, il dit... Mais il n'avait pas déjà eu une fois? Ah ben là, il m'a dit qu'il venait de l'avoir. Et j'ai dit, on devait se rencontrer. Il dit, je vais vérifier demain. Ça devrait être bon. J'ai dit, non, j'ai dit, reste chez toi, repose-toi, je ne veux pas rencontrer quelqu'un qui vient d'avoir le COVID. Ah bah oui, complètement. Je le reverrai en février, mais... Ah bon, pourtant, j'ai l'impression qu'il enregistrait tout ça, non, j'ai l'impression qu'il bougeait. Non, je devais le rencontrer, c'est... là, on est quoi? On est lundi, je devais le rencontrer, excuse-moi, jeudi, pour être précis, jeudi. Jeudi? Jeudi dernier, oui. D'accord. Puis il m'a dit qu'il l'avait attrapé. C'est possible, hein? Ouais. C'est possible, hein? Oui. Ben écoute. Mais c'est pas grave, et c'est grâce à toi si je l'ai rencontré. Ben oui. Parce qu'au mois de février, tu m'as refilé beaucoup. Ouais. Ben moi, je suis comme ça, hein. C'est comme. Il y a un mec aussi, Mourad, avec qui j'ai fait le label Influence. J'avais tourné une émission et puis j'avais tourné 3 titres. Bah, c'est pareil, il m'a demandé des numéros. Bon, moi, je dis, bah, vas-y, je t'envoie des trucs. Après, voilà, j'ai demandé quand même aux artistes, toi, je leur ai dit, voilà, est-ce que je peux filer votre contact? Il y a eu des trucs contents, moi. Après, bon, je sais pas si j'en ai. S'il y en a une qui m'a contacté, qui m'a remercié. Qu'est-ce que tu es? Mais non. Non, tu vas pas. Non, tu vas pas là-dessus, Mimi. Mais ouais, il y en a une qui m'a remercié et après les autres, je sais pas s'il a pris. Hey, j'aimerais passer à mes 10 questions parce que c'est toujours rigolo. Oui, si tu fais un liquide. Ah, alors c'est marrant. Alors attends, avant de te répondre, j'ai fait deux trucs avec Julie, là, qui me manage. Où on a fait les questions de portrait chinois. Oui, portrait chinois, oui. Et après, on a fait un portrait autour des tubes, des titres que j'adore de musique. Et ah, ok, des années 80. Et à chaque fois, je pense à toi parce que je me dis, putain, en fait, je suis assez fidèle quand même, mais assez, toujours. Régulière, quoi. Dans mes réponses, c'est toujours un peu la même chose. Donc, si tu étais un liquide. Ok, c'est un peu moi qui t'ai aiguillé là-dessus. Ouais, ouais, j'aime beaucoup. À chaque fois, j'en parle et tout. Si j'étais un liquide, bah, l'eau. L'eau, très simplement, l'eau. Si tu étais une époque. Une époque. Eh bien, écoute, là, j'ai envie de te dire, parce que les années 50, parce que c'est aussi vers là où j'aimerais aller avec. La musique, le son. Ouais, pas le son, mais le style, ouais. Années avec 50. Aussi le côté années 50 sur la pochette. Je verrai. Non, je pense plus dans le le style, peut-être dans l'écriture ou tu sais la Beat Generation. Ah oui, ok. Ah, c'est bon. Je sais pas. En tout cas, là-dessus, donc là, je te dirais voilà les années 50. Tu rumines un bon, mais il faudrait que j'aille là. Il y a plusieurs versions. Hein. Il y a la dernière version où on a retrouvé plein de trucs de Kerouac. Ça, c'est pour les puristes, parce qu'il faut s'accrocher. Hein. Il faut s'accrocher, c'est pas évident. Si tu étais une ville. Une ville? Ouais, non, je dirais toujours Paris. Pourquoi? Parce que j'adore en partir, j'adore revenir, parce que tu vois, rien que là, je fais du tourisme avec Mimi, j'adore. Tu vois, je suis passée par. Qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée au Palais Royal et tout, et c'est toujours aussi beau, quoi. En partant aussi? Oui, parce que je suis passée par le 11e, après j'ai marché, j'ai tout fait presque à pied. J'adore, ouais. Je regarde partout, je regarde aussi les boutiques qui ont changé. Ouais. Je regarde aussi un peu des lieux que j'aimerais bien aller voir et tout. Ah, j'en ai marre. Si tu étais un mot. Un mot? Liberté, toujours. Ouais. Je pense que... surtout depuis deux jours. Toujours, ouais. Ouais, je pense que, en plus là d'avoir fait mon ikigai, c'est vraiment ça quoi, c'est vivre libre. Parce que la liberté, ça se paye quand même, c'est pas si facile que ça d'être libre. Et ouais, la liberté, être libre, c'est très cher en fait. Ah oui. Très très cher. On dit que ça peut être libre, mais au contraire. Si, c'est un gros prix. Et si tu étais un mot? Un mot? J'ai dit la liberté. Excuse-moi. Si tu étais une couleur. Une couleur? Je ne le demanderais pas à Garant, je sais déjà. Hein. De quoi? Je ne le demanderais jamais à Garant. Ah bah oui, tu le sais déjà, ouais. Bah c'est vrai que le rose est quand même toujours là, quoi. Ouais, le rose. Parce que le rose, il se décline dans plein de couleurs. Non, c'est vachement sympa, le rose. Ouais. Et ça a toujours été le rose? Non, je suis passée par plusieurs. J'ai bien aimé le noir, le rouge, le violet. Tu as été gothique? Quand j'étais au lycée, j'écoutais un peu du métal. Mais bon, pour moi, c'est un peu du métal. Ouais, c'était pas du gros métal, c'est du métal lover. Je mettais des pantalons larges et tout ça, mais c'était pas... Ah bah oui, tiens, Pierre. Si tu étais un moment de la journée. Ah, le matin. T'es une couche-tôt? Non. Non, je suis pas une couche-tôt. Oh si, quand même, j'ai mes 8 heures tous les jours. Oh, oui. Ah bah oui, oh. 8 heures minimum. Ouais. Okay. Alors t'aimes bien dormir? Ouais, j'aime bien dormir. Et puis t'as pas de difficulté? Non, je trouve que je bois la touche de la chanson. Si vraiment j'ai du mal à dormir, c'est que vraiment il y a un truc, mais... Ok, des soucis. Ouais. Mais c'est plus des trucs de la vie de tous les jours qui vont revenir en format un peu cauchemar et tout ça. Tu vois, ça va travailler. Mais par contre, moi, je vais pas bloquer là-dessus, quoi. Je sais que voilà, j'ai ça, je vais en parler, je vais l'écrire, puis après, je vais passer à autre chose, quoi. Si tu étais une saison. Toujours le printemps. Ouais. Printemps, été, ouais, le printemps. Ouais. À choisir, est-ce que tu ferais la même chose? Le même chemin. Parce que je réfléchissais, le truc c'est que si j'ai fait comme ça, c'est que j'avais envie que ce soit comme ça, tu vois, si... On met quand même notre vie... J'ai fait des choix en fait, tu vois, après, est-ce que vraiment... Non, parce que je me connais quand même, c'est quand même moi qui ai fait ces choix-là, c'est quand même moi qui ai pris pas mal de décisions, donc si j'en suis là, c'est que c'était comme ça. Et puis il faut être responsable de ces choix-là. Oui, puis je m'en veux pas, tu vois, j'ai décidé que ça allait être comme ça, pardon, et des fois je me demande, voilà, du coup, je referai pareil, oui. T'as beaucoup de projets, parce que là, on a parlé de nouvelles, de romans, de chansons, l'estimant que c'est aussi. Mais en fait, moi vraiment, je serais riche, mais j'ai plein de trucs. C'est-à-dire qu'en plus, je le réinvestirais. En fait, c'est ça, le plus de trucs, c'est que encore, ce serait même, et en plus, ce serait même pas que pour moi. Parce que tu vois, moi, j'aimerais bien monter une pièce musicale, j'aimerais bien faire des duos, j'aimerais bien, enfin, tu vois, c'est, j'en ferais quelque chose, tu vois, même faire passer des messages, faire des ateliers, enfin, tu vois, trouver des lieux, je ferais plein de trucs. Mais sauf que j'en ai pas beaucoup d'argent, donc du coup, je vais faire avec ce que j'ai. Je vais essayer de faire la même chose, mais avec ce que j'ai. Voilà. Donc on va voir. Ce sera la surprise. On se souhaite le meilleur. Et tout ça va se faire à la fin 2022, au début au début 2023 ou si tu mets aucune date là-dessus? Non, je vais mettre aucune date, comme ça je vais pas me... Oui, comme ça je vais pas me dire... voilà, je vais faire... en fait je vais tout faire, je vais tout préparer, tout bien, et après on va voir comment ça va se vendre. Mais en tout cas, je sais... Autant je sais, enfin, je suis contente d'en être là. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai fait que je ne referai pas, mais dans, plutôt dans la gestion, tu vois, du projet, et surtout des choses où, par exemple, si je me suis fixée, puis par exemple, si je te dis que je ne me suis pas mis de date, ben, je ne vais pas me mettre une date. Parce que ce qui s'est passé avec Egon, c'est qu'à deux moments, je m'étais dit non, je ne ferai pas ça, et je l'ai fait quand même. Alors qu'au début, j'avais dit non, tu vois, et je l'ai quand même fait. Tu t'es fait une pression, tu t'es donné une pression. Ouais, du coup, j'aurais pas dû, si mon premier instinct me dit non, et ben je reste sur le non, tu vois. À part si vraiment, je vois que l'opportunité du oui peut être bien, mais que ce soit vraiment constructif. Mais voilà, je vais vraiment me suivre cette fois. Parce que tu vois, Egon, je ne sais pas pourquoi, je l'ai sorti. Peut-être que, tu vois, à réfléchir, j'aurais peut-être dû attendre. Ah oui. As-tu des bons commentaires suite à ton disque? Ouais, ouais, franchement, j'ai eu que des retours positifs. Après, comme je dis, les gens qui n'aiment pas, ils vont pas me faire de retour, tu vois. J'ai eu que des retours positifs, c'était bien. Mais en fait, j'ai reçu au niveau de ce que j'ai donné, financièrement et tout ça, tu vois. Ah ouais, ok. C'est vrai que, oui, si j'avais mis plus, je pense que j'aurais eu plus. Mais bon, je pouvais pas. Mais bon, j'ai mis ce que moi j'avais dans les mains. Maintenant, comme je te dis, comme j'ai eu aucune autre subvention, bah du coup, voilà, je peux pas aller plus loin. Donc en fait, ça me bloque, ça me frustre. Mais ça peut avoir une seconde vie sur scène, hein? c'est pas sclérosé, c'est ça. Ah non, pas du tout, c'est pas sclérosé, parce que là, tu vois, on va jouer à la Manufacture Chanson là, le 5 octobre. Dans les salles, hein? Ouais, ça va être sympa, j'aime beaucoup. Bah, du coup, là, on va retravailler un peu le set, donc ça va être même peut-être qu'il y aura des nouveaux morceaux, tu vois. À trois, c'est ça? Non, on sera toujours que deux. Okay. Mais il y aura des nouveaux morceaux, je pense. Prochain disque? Oui, je pense, je sais pas, on verra. Et est-ce que tu préfères faire vivre tes chansons avant de les indiquer, ou tu préfères les placer sur la percée puis après les faire vivre? Non, maintenant je me rends compte que j'aime les faire vivre sur scène. Oui. Ouais. Et surtout, tu vois la réaction. Oui, oui, et puis je suis mieux sur scène qu'en CD. Toujours pareil. Si, là, Egon, il y en a quand même qui m'ont dit putain, c'est quand même différent quand je te vois sur scène. Et le rendu. On trouve que sur disque, il n'y a pas assez de. Comment dire? Pas assez de surprise, tu as pas assez de prise de risque. Aimerais-tu éventuellement? Ouais, je sais. Moi aussi, quand la bouffe est là, hein, c'est épouvantable. C'est son meilleur ami. Et ça, en même temps, ça me plaît bien, j'aime bien les roues, puis en plus, il a une robe. Okay. C'est parfait là. Ah, ben voilà. Mais je pense pas que je sois son style. Mais bon. Arrête donc, on sait jamais. On sait mais jamais. Non. Pourquoi? C'est en anglais? Mais non, mais il aime les filles. Il aime les filles? Et il aime les garçons, non? Pourquoi tu dis ça? Bah, quand même, on dirait, non? À cause des hommes? Je sais pas. Mais non, voyons. Non. Ouais, mais après, moi, je suis nulle. Moi, tu sais, je sais jamais trop hein, qui aime qui. Moi, je suis toujours un peu une quiche là-dessus, moi. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas. Ok. Parce que, ouais, c'est les vibrations. C'est les vibrations. Oh, je sais pas, là, il mange. Je sens pas trop vibrer. Ah, qui sait? On passe toujours par le pitou pour arriver à la dame. Ça, c'est classique. J'adore. Et c'est pour ça que tu t'es procuré un chien. Même pas, parce que alors, tu sais, une fille qui a un chien, c'est hashtag j'ai pas de copain. Hein. Mais tu sais, les mecs, ils aiment pas trop les chiens. Ben voyons. Ah oh, ouais. Ben moi, en tout cas, tous les mecs avec qui j'étais, ils voulaient jamais que j'ai deux chiens. Ouais, ils me disaient, ah, non, mais pas de chien. Ah, parce qu'ils ont peur que. Ouais, ça doit être le côté concentré. Mais je sais pas, j'ai jamais eu de mec qui aimait les chiens. C'est bizarre. C'est comme un enfant, il y a des mecs qui ne peuvent pas avoir d'enfant parce qu'ils imaginent qu'il peut avoir moins de place avec sa copine, il va avoir des soins. Ouais, ça va, il faut se calmer. Hein. Ah, oui, il n'y a pas que. Hein. Non. Puis regarde, elle est pas chiante, regarde, elle discute, discute avec les autres. Et le travail que tu fais sur scène, ben, le travail, le plaisir que tu as sur scène, est-ce que ça te donne le goût d'anticiper un album live pour donner vraiment le cachet? Ah oui, c'est vrai que... Ouais, mais le problème, c'est que le disque live, tu sais, les CD, c'est plus maintenant en format... c'est plus pour les amis, les copains, enfin, tu vois, plus personne n'écoute vraiment de CD, quoi. Peut-être que ça va revenir comme le vinyle. Franchement, je lui souhaite. Ah oui, ben je crois, moi. Parce que bon, moi, je continuerai à faire des EP, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Après, c'est pareil, on peut faire aussi en format CD, disque comme avant, tu sais, les lives qu'on avait en DVD. Ouais. Mais je sais pas, du coup, si les gens le regarderaient, tu vois. Pas pour. C'est une énergie, le live, que le studio n'a pas. Ah, c'est vrai. Il y a beaucoup de musiciens aussi, de chanteurs qui fonctionnent sur la prise, c'est-à-dire tout le monde ensemble, comme Brel le faisait. Ouais, tous les musiciens étaient dans leur case, puis on y allait, il n'y avait pas de... Oui, oui, mais c'est des choses aussi sur lesquelles je réfléchis, tu vois, parce que je me dis, ce serait bien aussi peut-être un théâtre, parce que moi j'adore le théâtre, j'aimerais bien, tu sais, moi j'aime bien le côté aller au théâtre le soir, qui est la petite famille, tu sais, petite équipe et tout. Ouais, faire mon spectacle au théâtre, genre une fois par semaine. Ok. C'est bien dans un petit théâtre, là. Puis surtout que ça peut durer plus longtemps. Ça peut durer plus longtemps. Tu peux le retravailler pendant la semaine. Voilà, tu fidélises aussi les gens et tout, tu vois, le public. J'y pense. Tu peux, il y a le Galabru, est-ce que tu connais le... Ouais, le de Galabru? Nom, ouais. C'est une belle petite salle. Mimi. C'est ça. Mais quand il y a de la bouffe, comme je te disais... Moi, je n'existe plus. C'est puis ça. En plus, regarde, lui... je suis désolée. Hein. Non. Ah bon, ça va? Bon, d'accord. Vous avez une nouvelle amie. Hein. J'adore. Bon, ben voilà, très bien. Et voilà. Un nouvel amour vient de naître. Je sais pas, il doit avoir bon goût. Et j'attends. Non, vas-y. Et ouais, le Galabru. Oui, je connais de nom, mais je sais pas trop. Mais il faudrait quand même une scène, tu vois, avec pouvoir faire quand même des concerts, tu vois. Ouais. Ben, ils en font quelques fois. Là. C'est vrai? Ouais, ouais. Bon, après, ça, c'est pareil. Je me renseigne. Enfin, tu vois, en tout cas, voilà. Là, je te dis un peu toutes les idées qui me viennent. Après, on verra comment je vais les articuler. Quoi. Mais ouais. Ben, écoute, en ce moment, ça travaille. Ah, oui, ça cogite. Ouais. Alors, on se souhaite le mieux. Ah, bah oui, carrément. Et toi, puis, c'est pareil. Hein, je te souhaite le meilleur. Ben, merci. Et puis, on se revoit le plus tôt possible. C'est toujours un plaisir. Ah, bah oui. Sur ses larges épaules taillées, Bastien ne craint pas vos coutumes. Il porte la masculinité. Les plus polis vont sourire de ses ongles bien limés. Les moins méchants vont médire de ses gestes doux et mesurés. Un corps puissant, mais trop gracieux. Un cœur précieux, caché souvent. Bastien s'est fait la belle. Nos barèmes, il s'est barré. Bastien, singulier pluriel, personne ne peut le conjuguer. Bastien, bel et bien un homme, bel et beau, il est une somme d'humanité. La nuit, dans une robe de soie noire, fendue sur sa jambe épilée, Bastien se fiche de vos histoires, il assume la féminité. Les plus polis vont sourire. Les moins méchants vont médire des muscles dans le décolleté. Un corps gracieux, mais trop puissant. Un cœur précieux. Malheureusement, il y a aussi les insultes et les regards pleins de haine. La bêtise, la peur, leur tumulte. Parfois ça fait de la peine, mais... Bastien s'est fait la belle, de nos barèmes il s'est barré. Bastien, singulier pluriel, personne ne peut le conjuguer. Bastien, bel et bien un homme, bel et beau, il est une somme d'humanité. Le jour embrasé la nuit, embarrassé de mes idées noires, je baladais mon insomnie en ballottage sur le trottoir. Et puis Bastien m'a souri, belle et douce et attentionnée. Et à Bastien j'ai tout dit, beaucoup trop fort pour me juger. Un corps puissant, un cœur gracieux, j'aimais les deux en l'embrassant. De vos barèmes on s'est barré.